j'ai froid. Je suis tout seul, pourtant je crois te voir partout. Je me souviens comme tu riais, c'est le bonheur qui grandissait autour de nous. Dans la maison des jours heureux, le grand silence de ton adieu n'en finit pas. Et me voilà comme en prison, je vais, je viens, je tourne en rond, perdu sans toi. Dans ce grand lit auprès de moi, tu t'éveillais. Je croyais voir la nuit, le jour, dans tes yeux clairs, tes mots d'amour, je me trompais. Je t'aime encore, Dieu, c'est loi, et je suis comme un orphelin, seul dans la nuit. Mais dans mon cœur, il neigera toute ma vie.